بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نرانتر دون troisième درس de ce livre de الاستدلال على كنز الأطفال. Je répète les masaïl, les points qui ont été très répétés dans différents durus précédents. On passe dessus vraiment rapidement pour éviter que cela ne cause de l'ennui. Car les choses qui se répètent s'ancrent mieux, mais également quand c'est une chose qui est répétée, qui est déjà assimilée et déjà connue, ça cause de l'ennui. Donc il y a plein de masaïl, comme je vous l'expliquais, que l'auteur cite, qu'on a déjà expliqué, qu'on a déjà cité auparavant dans le Dolos, et je parle principalement pour les gens qui suivent le Dolos depuis un moment, et quant à ceux qui les suivent récemment, qui retournent au Dolos précédent pour mieux comprendre si jamais une chose ne leur paraît pas claire. Là, ce sont des Dolos résumés, et les Dolos avec le détail sur les questions, on les trouve dans les audios un peu plus longs, dans les kutub comme Kitab Tawhid, Salasat al-Usul, Al-Qawaid al-Arba' ou ghayr dhalika. Naam. Ou Al-Mabadi Mufida aussi, car là l'auteur a beaucoup profité de Al-Mabadi Mufida. Donc beaucoup de masaïl ici qu'il cite sont prises de ce livre. Et ce kitab, comme je l'ai expliqué, est présent sur le site pour celui qui veut entendre les détails. Thumma qala, as-su'al at-tasi', 9e question. Ma hiya al-ibada? قال الجواب اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال والظاهرة والباطنة كما جاء عن تعريف شيخ الإسلام. Donc il a dit qu'est-ce que l'adoration? La réponse c'est que l'adoration c'est un mot général d'ensemble qui englobe tout ce que Allah aime et agrée comme parole, comme acte, qu'il soit apparent ou caché. C'est-à-dire les actes apparent et caché comme les intentions, et les aqwal, les paroles cachées, sont comme par exemple ce qu'on appelle la croyance, adakol et le kolb, c'est une parole du cœur, et également les invocations d'Allah Azzawajal que l'on fait en nous. Cela également, c'est une chose que Allah Azzawajal il aime. Et cette définition là, alhamdoulilah, on l'a déjà cité à multiples reprises. Et pareil, si on va voir les gens pour leur demander souvent qu'est-ce qu'une adoration, ils sauront te répondre comme il se doit. Donc maintenant, il cite à l'épreuve de cette définition. Allah Ta'ala, In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum, wa la yarda li ibadi al-kufr, wa in tashkuru yardahu lakum. Si jamais vous mécroyez, et là ça peut être le sens où vous êtes ingrat, Allah se passe de vous. Allah n'a pas besoin de nous. Et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Et si vous le remerciez, vous êtes reconnaissant, il agrée cela pour vous. Donc Allah veut que l'on reconnaisse ses bienfaits sur nous, bien qu'on n'arrivera jamais à le reconnaître comme il se doit. D'accord? Mais la plus grande forme d'ingratitude, c'est de le délaisser. Et la pire forme d'ingratitude, Afwan, c'est de lui associer ou de les attribuer autre que lui. Non. Et la désobéissance, d'accord, les déviances, les égarements sont une forme d'ingratitude envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Cependant, il leur a ordonné, le verset précédent c'était dans sourate Zumar, verset 7, l'ornement. Et là, il cite dans sourate Al-Bayyinah, verset 5, et cependant, il ne leur a été ordonné que de vouer un culte seul, exclusif à Allah, à celui qui revient à la religion pure, et qu'ils accomplissent sa salat, qui s'acquitte de la zakat, et c'est là la religion droite. Telle est la religion droite, c'est-à-dire l'islam. Wa qulu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, irka'u, wasjudu, wa'budu rabbakum, wa'falul khayr, la'allakum tuflihun. Ô vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous, c'est-à-dire faites la salat, et adorez Allah, d'ailleurs là c'est toutes les adorations, et faites le bien, chose qui rentre dans l'adoration, il se peut que vous réussissiez, afin que vous réussissiez. C'est-à-dire que le verset amène qu'on adore Allah Azzawajal, cette adoration est une cause de réussite. Et l'adoration, bien évidemment, qui est conforme au kitab et à la sunna, comme cela sera cité plus tard, Inch'Allah. Souvent, quand on lève le al-Ashir, ma huwa al-Islam? Qu'est-ce que l'islam? قال في جواب والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. Donc ça, c'est la définition qui a été faite par Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab al-Najdi, l'auteur du kitab Tawhid. Cette définition qu'on trouve dans Salat Usul. Qala, l'islam, en fait là c'est l'islam général, d'accord? Car l'islam est deux formes, comme vous le savez, celui qui est spécifique, particulier, celui qui est général. Là c'est le général, celui avec lequel sont venus tous les messagers. C'est le fait de se soumettre totalement à Allah par l'unification, l'unicité. D'accord? Et d'être soumis à lui par l'obéissance également. Et le fait de se purifier et de se désavouer du polythéisme et de ses gens. Donc le musulman ne peut être ami avec les mécréants et ne peut agréer leur voix. Et la base, c'est qu'il ne doit pas désobéir. Et le plus important, c'est qu'il doit unifier Allah dans l'adoration, et dans ses noms, et dans sa seigneurie. Et cela inclut le désaveu du shirk. Et la preuve en cela, la parole d'Allah dans le sens, ou plutôt la parole d'Allah, où il dit فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ مُوَاحِدْ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Il dit, votre divinité n'est qu'une seule divinité, et soumettez-vous à lui et faites la bonne annonce aux gens pieux. Al-Hajj, verset 34. Wa qala ta'ala, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa wa ila Allah 'aqibatu al-umur. Et celui qui soumet son visage totalement à Allah et qu'il est bienfaisant, c'est certes accroché à l'anse la plus solide. Et c'est à Allah que revient la rétribution des choses. Luqman, verset 22. Wa qulu ta'ala faman yakfur bi ta'ud wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwa al wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Et celui qui mécroit au ta'ud, donc là ça revient au désaveu du shirk de ces gens, et qui croit en Allah, qui revient au tawhid et d'imen billah comme il se doit, c'est certes accroché à l'anse la plus solide, celle qui est ininterrompue. Et Allah est omniscient et parfaitement audient et omniscient. Al-Baqarah Abash, verset 256. Donc ces versets-là regroupent cette définition. Et là, il s'agit de l'islam général avec lequel sont venus tous les prophètes. Bien que notre islam à nous, actuel, c'est également adorer Allah parce que ce que nous a apporté le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Car les rites diffèrent de communauté en communauté. قال في السؤال الحادي عشر 11e question. كم أركان الإسلام؟ Combien de piliers à cette religion؟ على معروف. خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Donc les piliers de la religion sont les 5. Attestation de لا إله إلا الله et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le hajj pour celui qui est en mesure de l'accomplir. Wa dalilu hadith Ibn Omar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bunya al-islam wa ana khams shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami as-salat wa itai az-zakat wal hajj wa sawm Ramadan. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit clairement que l'islam a été bâti sur 5, c'est-à-dire 5 piliers, qui sont les deux attestations, qui sont l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, le hajj et le mois de Ramadan. Donc cela, si demain vous avez affaire à ce qu'on appelle les Qur'aniyin ou les gens qui n'acceptent pas de la sunna, disons que la sunna, ce n'est pas une chose qui est fiable pour nous, car elle a pu avoir été altérée, modifiée ou mal comprise. Si tu leur demandes combien de piliers à l'islam, ils te diront tous 5, même les mécréants le savent. Dis-lui dans le Coran, montre-moi ce que Allah Azza wa Jal a dit qu'il y a 5 piliers de façon explicite et claire. Il ne trouvera pas. Ce qui prouve que une bonne partie de sa religion, il a pris de la sunna, même s'il ne veut pas le reconnaître. Il ne veut pas l'admettre. Et les mécréants, comme je vous l'ai dit, le savent. Que l'islam, yani, si tu les interroges sur 5 piliers, je ne sais pas, des mécréants qui sont qui ont un aql et qui s'interrogent, qui se cultivent. Bien évidemment, je ne parle pas de la masse qui n'en ont rien à faire. Qui pour eux, l'islam, c'est ne pas manger de porc, d'accord, et faire le mois de Ramadan et couper la main du voleur. Je ne parle pas de cela. Je parle d'un mécréant cultivé qui s'instruit, qui recherche. Si tu lui demandes par rapport à l'islam, il te dira qu'il sait que l'islam, à la base, c'est 5 piliers. Il te citera ces 5 piliers. ثم قال في السؤال الثاني عشر ما هو الدين الذي لا يقبل الله غيره donc quelle est cette religion dont Allah n'accepte aucune autre قال هو الإسلام et cette religion c'est l'islam comme nous l'avons dit والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين dans le sens où Allah dit celui qui recherche une religion autre que l'islam, elle ne sera point acceptée de lui et sera dans l'au-delà parmi les perdants. Elle est Imran, verset 85. Donc Allah n'accepte ni christianisme, ni judaïsme, ni bouddhisme, ni rien d'autre, ni majusia, ni rien de cette religion. La seule religion qu'il agrée, Allah Azzawajal, c'est l'islam, alors qu'il est. Celui qui n'est pas musulman, Allah ne l'agrée pas, ni lui, ni ses actes, ni sa religion. Le croyant, c'est le musulman. Et regardez comment l'auteur cite ce genre de points pour l'inculquer à l'enfant, qu'il apprenne cela depuis son âge. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, des musulmans, ils vont te dire que les chrétiens sont des croyants, les juifs sont des croyants, que des gens, à partir du moment où on ne fait pas de mal et qu'on croit en Dieu et ce genre de philosophie, Allah, il nous aime. On dit, c'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. Et celui qui meurt cette croyance-là, meurt sur de la mécréance. Car il est en train de dire que autre que l'islam est accepté auprès d'Allah Azzawajal. Donc il dément les versets. Donc il faut lui faire nasiha, le conseiller qu'il accepte. Et si après cela, sauf s'il n'accepte pas, son jugement, c'est que c'est une personne qui n'est pas comptée parmi les gens de l'islam. Wali azbillah. Naam. Donc comment ça a été là aujourd'hui. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.